Chapitre 7 La médaille. L'ombre en cigare du dirigeable filait sur les pâturages et les cours d'eau comme un nuage solitaire. À travers le vitrage oblique, Ophélie scrutait le paysage, espérant apercevoir une dernière fois au loin la tour de garde où sa famille agitait des foulards. La tête lui tournait encore, à peine quelques minutes après le décollage. Alors que le dirigeable manœuvrait un virage, elle avait dû quitter la promenade de tribord en catastrophe pour chercher les toilettes. Le temps d'en revenir, elle ne voyait déjà plus de la vallée qu'une zone d'ombre lointaine au pied de la montagne. Elle n'aurait pas pu imaginer des adieux plus ratés. « Une fille de la montagne, quel mal de l'air ! Ta mère a raison, tu ne manques jamais une occasion de te distinguer. » Ophélie arracha son regard de la baie vitrée pour le déverser dans la salle aux cartes, ainsi appelée pour ses planisphères fixés au mur qui retraçaient la géographie éclatée de toutes les arches. À l'autre bout de la pièce, la robe vert-bouteille de la tante Roseline se détachait sur le velours miel des tapis et des fauteuils. Elle inspectait les représentations cartographiques d'un œil sévère. Ophélie mit un temps à comprendre que ce n'était pas les arches qu'elle étudiait ainsi, mais la qualité de l'imprimé. Des formations professionnelles, la tante Roseline travaillait dans la restauration du papier. Elle revint vers Ophélie d'un petit pas nerveux, s'assit dans le fauteuil voisin et ses dents chevalines grignotèrent les biscuits qu'on leur avait servis. Nauséeuse, Ophélie détourna les yeux. Les deux femmes étaient seules dans la salle, à part elle, Thorne et le personnel d'équipage. Il n'y avait pas d'autres passagers à bord du dirigeable. « As-tu remarqué l'expression de M. Thorne quand tu t'es mise à restituer ton repas dans tout le dirigeable ?»« J'étais un peu distraite à ce moment-là, ma tante. » Ophélie dévisagea sa marraine par-dessus les rectangles de ses lunettes. Elle était aussi étriquée, sèche et jaunâtre que sa mère était grassouillette, moite et rougeaude. Ophélie connaissait mal cette tante qui serait son chaperon pour les prochains mois, et cela lui faisait bizarre de se retrouver en tête-à-tête avec elle. En temps ordinaire, elle se voyait peu et ne se parlait guère. La veuve n'avait toujours vécu que pour ses vieux papiers, de même qu'Ophélie n'avait toujours vécu que pour son musée. Cela ne leur avait pas laissé beaucoup de place pour devenir intime. « Il était mort de honte !» déclara la tante Roseline d'une voix âpre. « Ça, ma petite demoiselle, c'est un spectacle auquel je ne veux plus jamais assister. Tu portes en toi l'honneur de la famille. » Au dehors, l'ombre du dirigeable se fondait dans l'eau des grands lacs, scintillante comme du mercure. La lumière de fin d'après-midi s'affadissait dans la salle aux cartes. Le velours miel du décor se fit moins doré, déclina vers le beige. Alentour, l'aérostat grinçait de toute son armature et bourdonnait de toutes ses hélices. Ophélie s'imprégna une bonne fois pour toutes de ces bruits, de ce léger roulis sous ses pieds, et elle se sentit mieux. C'était juste une habitude à prendre. Elle sortit de sa manche un mouchoir à pois et éternua, une fois, deux fois, trois fois. Ses yeux larmoyèrent derrière ses lunettes. La nausée était passée, pas le rhume. « Pauvre homme !» se dérida-t-elle. « S'il craint le ridicule, il n'épouse pas la bonne personne. » La peau de la tante Roseline devint jaune pâle. Elle jeta un regard affolé dans la petite salle, tremblant à la pensée de découvrir la fourrure d'ours dans l'un des fauteuils. « Par les ancêtres, ne dis pas de telles choses !» chuchota-t-elle. « Il vous inquiète ?» s'étonna Ophélie. Elle-même avait eu peur de Thorne, oui, mais c'était avant de le rencontrer. Depuis que l'inconnu avait un visage, elle ne le redoutait plus. « Il me donne froid dans le dos !» soupira la tante en rajustant son minuscule chignon. « As-tu vu ses cicatrices ? Je le soupçonne d'être porté sur la violence quand il est mal luné. Je te conseille de te faire oublier après la petite scène de ce matin. Efforce-toi donc de lui faire bonne impression. Nous allons passer avec lui, moi, les 8 prochains mois. Toi, le restant de ta vie. » Ophélie eut le souffle coupé en laissant tomber son regard par la grande vitre d'observation. Les forêts flamboyantes d'automne, dorées par le soleil, battues par le vent, venaient de céder la place à une paroi de roches abruptes qui s'effondrait dans une mer de brouillard. Le dirigeable s'éloigna et Anima apparut entièrement, encerclée par une ceinture de nuages, suspendue en l'air. Plus il prenait de la distance, plus elle ressemblait à une souche de terre et de gazon qu'une pelle invisible aurait arrachée de son jardin. C'était donc cela, une arche vue de loin. Cette petite motte perdue au milieu du ciel. Qui pourrait imaginer que des lacs, des prairies, des villes, des bois, des champs, des montagnes, des vallées s'étendaient sur ce ridicule pan de monde? La main collée contre la vitre, Ophélie grava cette vision dans son esprit tandis que l'arche disparaissait, effacée par les rideaux de nuages. Elle ignorait quand elle y reviendrait. « Tu aurais dû te prendre une paire de rechanges. On passe pour des pauvres !» Ophélie retourna à sa tante qui la regardait d'un air désapprobateur. Elle mit un moment à comprendre qu'elle faisait allusion à ses lunettes. « Elles ont presque fini de cicatriser, » la rassura Ophélie. « D'ici à demain, il n'y paraîtra plus. » Elle les retira pour souffler de la buée sur les verres. Hormis une petite fissure dans un angle de sa vision, elle n'était pas vraiment gênée et ne voyait plus chaque chose en triple exemplaire. Dehors, il ne demeurait qu'un ciel sans fin où commençaient à scintiller les premières étoiles. Quand la salle s'éclaira, les vitres se transformèrent en miroirs et il ne fut plus possible de rien voir. Ophélie ressentit le besoin de se raccrocher des yeux à quelque chose. Elle s'approcha du mur aux cartes. C'étaient de véritables œuvres d'art, réalisées par d'illustres géographes. Les 21 arches majeures et les 186 arches mineures étaient toutes représentées avec un scrupule inouï du détail. Ophélie remontait le temps comme d'autres traversent une pièce, mais elle avait de mauvaises connaissances en cartographie. Il lui fallut un moment pour repérer Anima et plus longtemps encore pour trouver le pôle. Elle les compara, l'un à l'autre, et fut étonnée par leur différence de proportion. Le pôle était presque trois fois grand comme Anima. Avec sa mer intérieure, ses sources et ses lacs, il évoquait une grande cuve remplie d'eau. Toutefois, rien ne la fascina davantage que le planisphère central, qui donnait une vision générale du noyau du monde et de l'orbite fixe des arches autour de lui. Le noyau du monde était le plus gros vestige de la Terre originelle. Ce n'était qu'un amas de volcans, continuellement frappés par la foudre, définitivement inhabitable. Il était enveloppé par la mer des nuages, une masse compacte de vapeur que le soleil ne pénétrait jamais, mais la carte ne la représentait pas pour des raisons de lisibilité. En revanche, elle retraçait les couloirs des vents qui permettaient aux dirigeables de circuler aisément d'une arche à l'autre. Ophélie ferma les yeux et essaya de se représenter cette carte en relief, telle qu'on pourrait l'observer de la lune. Des éclats de cailloux suspendus au-dessus d'un grand, d'un immense orage perpétuel. Quand on y songeait, ce nouveau monde était un vrai miracle. Un carillon retentit dans la salle aux cartes. « Le souper !» interpréta la tante Roseline avec un soupir. « Penses-tu pouvoir te tenir à table sans nous couvrir de ridicule ?» « Vous voulez dire sans vomir ? Ça dépendra du menu. » Quand Ophélie et sa marraine poussèrent la porte de la salle à manger, elles crurent un instant s'être trompées. Les buffets n'étaient pas dressés et une demi-pénombre flottait entre les murs lambrissés. Une voix cordiale les retint au moment où elles rebroussaient chemin. « Par ici, mesdames !» Uniforme blanc, épaulettes rouges et double bouton de manchette, un homme vint à leur rencontre. « Capitaine Bartholomé, pour vous servir » s'exclama-t-il avec emphase. Il se fendit d'un large sourire où étincelaient quelques dents en or et épousta ses galons. « En fait, je ne suis que le second, mais on ne va pas ergoter. J'espère que vous nous pardonnerez, nous avons entamé les hors-d'œuvre. Prenez place avec nous, mesdames, une touche de féminité sera la bienvenue. » Le capitaine en second leur désigna le fond de salle. Entre un long paravent à claire-voie et les belles baies vitrées, une petite tablée prenait les dernières lueurs du couchant sur la promenade de tribord. Ophélie y repéra sans mal la silhouette haute et maigre qu'elle n'aurait pas voulu y trouver. Thorne se tenait de dos. Elle ne voyait de lui qu'une interminable colonne vertébrale sous sa tunique de voyage, des cheveux pâles et hirsutes, et des coudes qui remuaient au rythme des couverts sans songer un instant à s'interrompre pour elle. « Mais bon sang, que faites-vous ? » se scandalisa Bartholomée. Ophélie ne s'était pas posée sur une chaise près de sa tante, qui la saisit aussitôt par la taille, lui fit faire deux pas de danse et l'assit d'autorité à côté de la dernière personne qu'elle voulait fréquenter de près. À table, il faut toujours alterner les hommes et les femmes. Le nez plongé dans son assiette, Ophélie se sentit complètement submergée par l'ombre de Thorne qui se tenait deux têtes plus haut, très droit sur sa chaise. Elle beurra ses radis sans grand appétit. Un petit homme en face d'elle la salua avec une inclination affable, en étirant un sourire entre ses favoris couleur poivre. L'espace de quelques instants, seul le cliquetis des couverts remplit le silence autour de la table. On mastiqua les crudités, on but du vin, on se passa le beurre de main en main. Ophélie renversa sur la nappe la salière qu'elle tendait à sa tante. Le capitaine en second, à qui ce silence pesait visiblement, se tourna comme une girouette du côté d'Ophélie. « Comment vous sentez-vous, ma chère enfant ? Ce vilain mal de cœur est-il passé ?» Ophélie s'essuya la bouche d'un coup de serviette. Pourquoi cet homme lui parlait-il comme si elle avait 10 ans ? « Oui, je vous remercie. »« Je vous demande pardon ? » s'esclaffa-t-il. « Vous avez une toute petite voix, mademoiselle. » « Oui, je vous remercie, » articula Ophélie en poussant sur ses cordes vocales. « N'hésitez pas à signaler tout inconfort à notre médecin de bord. C'est un maître dans son domaine. » L'homme aux favoris couleur poivre en face d'elle afficha une modestie de bon ton. Ce devait être lui, le médecin. Un nouveau silence retomba sur la table que Bartholomée perturbait en pianotant sur ses couverts de ses doigts agités. Ophélie se moucha pour dissimuler son agacement. Les yeux pétillants du second ne cessaient de se hisser d'elle à Thorne puis de redescendre de Thorne à elle. Il devait vraiment s'ennuyer pour chercher une distraction auprès d'eux. « Eh bien, dites-moi, vous n'êtes pas très causant, » gloussa-t-il. « J'avais pourtant cru comprendre que vous voyagiez ensemble, non ? Deux dames d'Anima et un homme du pôle, c'est plutôt rare un assortiment pareil. » Ophélie hasarda un coup d'œil prudent vers les mains longues et maigres de Thorne qui découpaient ses radis en silence. Ainsi, l'équipage ignorait tout de ce qui avait motivé leur rencontre. Elle décida de s'aligner sur son attitude, elle se contenta d'esquisser un sourire poli, sans dissiper le malentendu. Sa tante ne l'entendait pas de cette oreille. « Ces jeunes gens sont amenés à se marier, monsieur !» s'exclama-t-elle outrée. « L'ignoriez-vous donc ?» À la droite d'Ophélie, les mains de Thorne se crispèrent autour de ses couverts. De là où elle se tenait, elle pouvait voir une veine saillir à son poignet. En tête de table, les dents en or de Bartholomée étincelèrent. « Je suis navrée, madame, mais je l'ignorais en effet. Monsieur Thorne, voyons, vous auriez dû me dire ce qu'était cette charmante enfant pour vous. De quoi ai-je l'air, moi, maintenant ?» De quelqu'un qui se régale de la situation, répondit Ophélie en pensée. L'exultation de Bartholomée ne dura guère, cependant. Son sourire faiblit dès qu'il vit la figure de Thorne. La tante Roseline pâlit en la remarquant à son tour. Ophélie, elle, ne la voyait pas. Il aurait fallu qu'elle se penchât sur le côté et qu'elle se dévissât la tête des épaules pour parvenir jusque là-haut. De toute façon, elle devinait sans mal ce qui se tenait au-dessus d'elle. Des yeux tranchants comme des rasoirs et un pli sévère en guise de bouche. Thorne n'aimait pas se donner en spectacle. Il partageait au moins cela en commun. Le médecin de bord dut percevoir le malaise car il s'empressa de faire diversion. « Je suis très intrigué par les petits talents de votre famille, » dit-il en s'adressant à la tante Roseline. Votre emprise sur les objets les plus anodins est tout bonnement fascinante. « Veuillez pardonner mon indiscrétion, mais oserais-je vous demander, quel est votre savoir-faire, madame ?» La tante Roseline se tapota la bouche avec sa serviette. « Le papier. Je défroisse, je restaure, je réfistole. » Elle attrapa la carte des vins, la déchira sans cérémonie et ressouda les bords d'un simple glissement du doigt. C'est fort intéressant, commenta le docteur en briquant les petites pointes de ses moustaches tandis qu'un serveur présentait la soupe. Je pense bien, se rengorgea la tante. J'ai sauvé de la décomposition des archives d'une très grande valeur historique. Généalogiste, restaurateur, conservateur, notre branche familiale est au service de la mémoire d'Artémis. C'est également votre cas ? Demanda Bartholomé en tournant son sourire étincelant vers Ophélie. Elle n'eut pas le loisir de rectifier. Ça l'était, monsieur. Sa tante se chargea de répondre à sa place entre deux cuillerées de soupe. « Ma nièce, c'est une excellente liseuse. »« Une liseuse ?» répétèrent en chœur le capitaine en second et le médecin de bord interloqués. « Je tenais un musée, » expliqua brièvement Ophélie. Elle supplia sa tante des yeux de ne pas insister. Elle n'avait pas envie de parler de ce qui appartenait à l'ancienne vie, surtout en compagnie des longs doigts de torne contractés autour de leur cuillère à soupe. La vision des foulards d'adieu de sa famille à la tour de garde la hantait. Elle voulait finir son velouté de légumes et aller dormir. Malheureusement, la tante Roselyne était sculptée dans le même bois que sa mère. Elle n'était pas sœur pour rien. Elle tenait à impressionner Thorne. « Non, non, non, c'est bien plus que cela, ne sois pas si modeste. Messieurs, ma nièce peut entrer en empathie avec les objets, remonter leur passé et dresser des expertises extrêmement fiables. »« Cela a l'air amusant, » s'enthousiasma Bartholomé. « Accepteriez-vous de nous faire une petite démonstration, cher enfant ?» Il tira sur une chaîne de son bel uniforme. Ophélie crut d'abord que c'était une montre, mais elle se trompait. « Cette médaille d'or est mon porte-bonheur. L'homme qui me l'a donnée m'a appris qu'elle appartenait à un empereur de l'Ancien Monde. J'adorerais en savoir davantage. »« Je ne peux pas. » Ophélie retira un long cheveu brun de sa soupe. Elle avait beau ramener tout ce qu'elle pouvait de boucles sur sa nuque, à coups d'épingles, d'attaches et de barrettes, elle se répandait partout. Bartholomé fut dépité. « Vous ne pouvez pas ?»« La déontologie me l'interdit, monsieur. Ce n'est pas le passé de l'objet que je retrace, c'est celui de ses propriétaires. Je vais profaner votre vie intime. »« C'est le code d'éthique des liseurs, » confirma la tante Roselyne en dévoilant ses dents de cheval. « Une lecture privée n'est autorisée qu'avec le consentement du propriétaire. » Ophélie tourna ses lunettes vers sa marraine, mais celle-ci tenait coûte que coûte à ce que sa nièce se distinguât aux yeux de son promis. De fait, les mains noueuses reposèrent lentement leur couvert sur la nappe et ne bougèrent plus. Thorne était attentif. Ou alors il n'avait plus faim. « Dans ce cas, je vous en donne la permission, » déclara Bartholomé de façon très prévisible. « Je veux connaître mon empereur. » Il lui tendit sa vieille médaille en or assortie à ses galons et à ses dents. Ophélie l'examina d'abord avec ses lunettes. Une chose était certaine, cette breloque ne datait pas de l'Ancien Monde. Pressée d'en finir, elle déboutonna ses gants. Dès qu'elle referma ses doigts autour de la médaille, des fulgurances filèrent dans l'entrebâillement de ses paupières. Ophélie se laissa inonder, sans interpréter encore le flot de sensations qui se déversait en elle, des plus récentes aux plus anciennes. Une lecture se déroulait toujours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Des promesses en l'air murmurées à une jolie fille dans la rue. On s'ennuie tellement là-haut, seul, face à l'immensité. Une petite épouse et les marmots l'attendent à la maison. Ils sont loin, ils n'existent presque pas. Les voyages se succèdent sans laisser de traces, les femmes aussi. L'ennui est plus fort que les remords. Soudain, il y a un éclair blanc dans une cape noire, c'est un couteau. Il est pour Ophélie, ce couteau, un mari se venge. La lame rencontre la médaille dans la poche de l'uniforme et dévie de sa mortelle trajectoire. Ophélie s'ennuie encore. Un brûlant de roi, au milieu des éclats de fureur, lui vaut une belle médaille. Ophélie se sent rajeunir. L'instituteur le fait monter sur la chaire avec un gentil sourire. Il lui remet un cadeau. Ça brille. C'est joli. Eh bien ! S'amusa le capitaine en second. Ophélie renfila ses gants et lui rendit son porte-bonheur. Vous vous êtes fait avoir, murmura-t-elle. C'est une médaille du mérite, une simple récompense pour enfant. Les dents en or disparurent avec le sourire de Bartholomé. Je vous demande pardon. Vous n'avez pas dû lire attentivement, mademoiselle. C'est un médaillon pour enfant, insista Ophélie. Il n'est pas en or, et il n'a pas un demi-siècle d'ancienneté. Cet homme que vous avez battu aux cartes vous a menti. La tante Roseline toussa nerveusement. Ce n'était pas là l'exploit qu'elle avait espéré pour sa nièce. Le médecin de bord se prit d'un intérêt passionné pour le fond de son assiette. La main de Thorne remonta sa montre à gousset d'un geste plein d'ennui. Comme le capitaine en second paraissait anéanti par cette révélation, Ophélie eut pitié de lui. Cela n'en est pas moins un excellent porte-bonheur. Cette médaille vous a tout de même sauvé de ce mari jaloux. Ophélie ! S'étouffa Roseline. Le reste du repas se déroula en silence. Quand ils se levèrent de table, Thorne fut le premier à quitter les lieux, sans gargouiller une formule de politesse. Le lendemain, Ophélie parcourut la nacelle du dirigeable de long en large. Née dans son écharpe, elle flânait sur les promenades de bâbord et de tribord, prenait le thé au salon, visitait discrètement, avec la permission de Bartholomé, la passerelle de commandement, la cabine de navigation ou le local de la radio. Le plus souvent, elle tuait le temps en contemplant le paysage. Parfois, ce n'était qu'un ciel intensément bleu à perte de vue, où bourgeonnaient à peine quelques nuages. Parfois, c'était un brouillard humide qui crachotait sur toutes les fenêtres. Parfois, c'était les clochers d'une ville lorsqu'ils survolaient une arche. Ophélie s'habitua aux tables sans nappe, aux cabines sans passagers, aux fauteuils sans occupants. Personne ne montait jamais à bord. Les escales étaient rares, le dirigeable ne se posait pas au sol. Le trajet n'en était pas moins long, car ils effectuaient de nombreux détours pour larguer des colis postaux et des sacs de lettres au-dessus des arches. Si Ophélie laissait traîner son écharpe un peu partout, Thorne ne pointait jamais le bout de son museau hors de sa cabine. Elle ne le voyait ni au petit déjeuner, ni au dîner, ni au thé, ni au souper. Il en fut ainsi plusieurs jours durant. Quand les corridors se mirent à fraîchir et les hublots à se parer de dentelles de givre, la tante Roseline décréta qu'il était grand temps pour sa nièce d'avoir une vraie conversation avec son fiancé. « Si vous ne brisez pas la glace maintenant, il sera trop tard ensuite », l'avertit-elle un soir, les bras plongés dans un manchon, alors qu'elles se promenaient toutes les deux sur le pont. Les baies vitrées flamboyaient dans le soleil couchant. Au dehors, il devait faire épouvantablement froid. Des débris de l'ancien monde, trop petits pour former des arches, étaient nappés de gel et étincelaient comme une rivière de diamants au milieu du ciel. « Que vous importe que Thorne et moi nous apprécions ou non ?» soupira Ophélie, engoncée dans son manteau. « Nous allons nous marier. N'est-ce pas la seule chose qui compte ?» « Fichtre, j'ai été à mon époque une jeune fille à marier plus romantique que toi. »« Vous êtes mon chaperon, » lui rappela Ophélie. « Votre rôle est de veiller à ce que rien d'indécent n'arrive. Pas de me précipiter dans les bras de cet homme. »« Indécent, indécent. Il n'y a pas trop de risques de ce côté-là, » grommela la tante Roseline. « Je n'ai pas vraiment eu l'impression que tu allumais un indomptable désir chez M. Thorne. » En fait, je crois que je n'ai jamais vu un homme prendre autant de précautions pour éviter de croiser une femme. » Ophélie ne put réprimer un sourire en coulisses qu'heureusement sa tante ne vit pas. « Tu vas lui proposer une tisane, » déclara soudain la tante d'un air déterminé. « Une tisane de tilleul. Ça calme les nerfs, le tilleul. » « Ma tante, c'est cet homme qui a tenu à m'épouser et non l'inverse. » « Je ne vais tout de même pas le courtiser. »« Je ne te demande pas de lui faire des avances. Je nous souhaite juste une atmosphère respirable pour les temps à venir. »« Tu vas un peu prendre sur toi et te montrer aimable avec lui. » Ophélie vit son ombre s'allonger, se distendre et disparaître à ses pieds, alors que le disque roux du soleil s'évanouissait dans la brume de l'autre côté des vitrages. Ses lunettes sombres s'adaptèrent au mouvement de l'éclairage et pâlirent peu à peu. Elles étaient complètement cicatrisées, à présent. « J'y réfléchirai, ma tante. Roselyne lui épingla le menton pour l'obliger à lui faire face. Comme la plupart des femmes de la famille, sa tante était plus grande qu'elle. Avec sa toque de fourrure et ses dents trop longues, elle ne ressemblait plus à un cheval, mais à une marmotte. « Tu dois y mettre de la bonne volonté, tu m'entends ?» Le soir était tombé derrière les vitres de la promenade. Ophélie avait froid au dehors et au dedans malgré l'écharpe qui resserrait son étreinte autour de ses épaules. Au fond d'elle-même, elle savait que sa tante n'avait pas tort. Elles ignoraient tout encore de la vie qui les attendait au pôle. Il lui fallait mettre de côté les griefs qu'elle nourrissait contre Thorne. Le temps d'un petit entretien.